La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, innover, oui, mais pourquoi faire? Le mot innovation, désormais assaisonné à toutes les sauces, sonne comme une promesse. On l'utilise d'ailleurs pour désigner l'horizon de toutes les politiques de recherche. Par exemple, souvenez-vous, en 2010, la Commission européenne s'était donné comme objectif de développer une union de l'innovation pour 2020. Le document de référence affirmait d'emblée que la compétitivité, l'emploi et le niveau de vie du continent européen dépendent essentiellement de sa capacité à promouvoir l'innovation, présentée comme, je cite, « le meilleur moyen dont nous disposions pour résoudre les problèmes principaux auxquels notre société est confrontée et qui, chaque jour, se posent de manière plus aiguë, qu'il s'agisse du changement climatique, de la pénurie d'énergie et de la raréfaction des ressources, de la santé ou du vieillissement de la population ». Fin de citation. Mais chose étonnante, bien qu'invoquée plus de 300 fois dans les 50 pages du document, l'innovation n'y était nulle part définie. Comme si sa signification était tenue pour acquise, pour si évidente qu'on pouvait la laisser dans l'ombre. D'où une première question. Comment une notion à la signification si incertaine est-elle parvenue à résumer l'ensemble des activités de recherche? Tout chercheur aurait-il vocation à devenir un innovateur? D'autres questions s'en suivent. Quelles sont au juste les finalités qu'on attribue aujourd'hui à l'innovation? S'agit-il d'accélérer le développement technique? Si oui, avec quel futur en vue? S'agit-il de contrôler l'évolution des technologies, de prévenir leurs effets négatifs, ou bien d'élargir le champ des applications de la recherche afin de la rendre plus profitable, plus rentable, plus efficace? Marcel Proust n'est certainement pas un auteur qu'on s'attend à retrouver par ici, je veux dire sur le thème de l'innovation. Et pourtant, c'est bien lui qui a écrit dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », il a écrit « Il y a moins de force dans une innovation artificielle que dans une répétition destinée à suggérer une vérité neuve ». Je répète, il y a moins de force dans une innovation artificielle que dans une répétition destinée à suggérer une vérité neuve. J'ai répété parce qu'à titre personnel, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'il voulait dire par là. Et je crois savoir que je ne suis pas le seul dans ce cas. C'est pourquoi j'ai eu le plaisir et j'ai eu l'idée d'inviter Vincent Bontemps qui, lui, saura nous dire. Bonjour Vincent Bontemps. Bonjour Étienne, bonjour à tous. Vous êtes philosophe des sciences et des techniques, directeur de recherche au CEA, et vous venez de publier aux éditions Les Belles Lettres un gros livre qui s'intitule « Au nom de l'innovation » avec comme sous-titre « Finalité et modalité de la recherche au XXIe siècle ». Ma première question fait écho directement à cette citation de Proust. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ou vous l'avez mise en exergue de votre livre, hein, c'est comme ça que je l'ai découvert, donc j'imagine que vous l'avez fait en connaissance de cause. Oui, et y a des hasards qui sont heureux. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier numéro de Nature, la plus prestigieuse des revues scientifiques. Celui qui est le numéro qui est sorti en janvier 2024. Il comporte un article qui s'appelle quelque chose comme « Disruptive science has disappeared ». La science disruptive a disparu. Et donc, c'est un article de bibliométrie. Alors, je ne suis pas très versé dans la bibliométrie. J'en ai fait un an chez nos amis du Québec. Mais cet article a retenu mon attention parce que qu'est-ce qu'il analyse ? Il analyse le nombre d'articles publiés dans le monde, chaque année, depuis le début du XXe siècle, qui sont des articles fondateurs d'un nouveau courant de recherche, d'un nouveau thème de recherche. Qui marquent des ruptures, d'où le nom Disruptive Science. Ces articles, comment ils les caractérisent ? Ils disent, c'est des articles, c'est les premiers cités par les suivants, et ils sont cités longtemps. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est des articles qui, en quelque sorte, sont répétés pour permettre l'éclosion d'une vérité neuve. Hein ? Et ce qu'observe ce papier, c'est que depuis 1945 jusqu'à nos jours, la fréquence de ces articles a baissé de 90 ou 100%, suivant les disciplines. C'est-à-dire qu'ils ont, au XXIe siècle, très largement disparu. Ils sont remplacés par un flot d'articles ininterrompus, qui sont certes des innovations permanentes, mais qui, dans disons, la mémoire collective des savants, passent d'autant plus vite. Alors, il faut voir attention dans la bibliométrie, c'est une science exacte, c'est-à-dire ça se fait sur des millions et des millions d'articles, donc ça, c'est indiscutable, mais l'interprétation est peut-être un peu plus subtile que ce que disent les auteurs qui ont publié dans Nature. Parce que Nature, c'est pas un grand journal de bibliométrie, c'est un journal scientifique. Mais quand même, ça dirait un peu ce que je voulais suggérer par cette citation. Du coup, je crois la comprendre, Vincent Montand. C'est-à-dire qu'une innovation artificielle serait une innovation qui n'est pas répétée de sorte qu'elle disparaît parce qu'elle n'a pas marqué une rupture digne d'intérêt. Oui, exactement. C'est-à-dire, il y aurait une sorte de course et d'accélération qui ferait du surplace. Ce serait le régime d'innovation artificielle. Et à côté de ça, il y aurait des vérités suffisamment inventives pour qu'elles demeurent neuves longtemps. Je l'ai dit en vous présentant, Vincent Montand, vous êtes philosophe des sciences et des techniques, ouais. Ce qui est assez original pour un philosophe. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à vous intéresser à la technique, à des affaires de technique, à son histoire, à son développement? C'est quand même, sans aller jusqu'à dire que c'est innovant, c'est quand même pas du tout traditionnel dans le cursus des philosophes. Je crois que c'est plus courant de nos jours. En ce qui me concerne, c'est vrai que nous n'étions pas nombreux à nous intéresser à la technique et à la technologie au début du siècle. Et c'est aussi le hasard des rencontres, la chance des rencontres, qui permet de cultiver cette originalité qu'on peut avoir quand on se destine à être un chercheur en philosophie ou ailleurs. En ce qui me concerne, cela me permet d'évoquer la figure de Dominique Lecourt. J'étais hier à un colloque donné en son honneur, avec beaucoup de gens prestigieux, Alain Prochian du Collège de France, Tienne Balibar, grand philosophe marxiste, Claude Debru, qui a longtemps officié à l'ENS, des amis et des collègues prestigieux, et pour évoquer la figure de quelqu'un qui a beaucoup compté dans l'organisation du dialogue entre la science et la philosophie. Et qui a occupé beaucoup de positions avec énormément de diplomatie, et puis aussi produit une œuvre philosophique qui ouvrait à ces enjeux avec des écrits sur les biotechnologies, avec une critique très précoce des dangers du post-humanisme, avec ces sortes d'intérêts. Il a été mon président de jury de thèse, c'est pour ça que je me permettais d'évoquer en réponse à votre question sa figure, et puis aussi pour le plaisir de lui rendre hommage. Je me permets de dire qu'il a été mon directeur de thèse. Ah, d'accord. Voilà, donc il a en effet tenté de rapprocher différentes disciplines, la philosophie avec la technique et avec la science. Mais dans votre livre, vous citez beaucoup, au moins au début, Gaston Bachelard, qui vous aide à penser l'innovation, alors même que le mot innovation ne figure pas dans son œuvre. Oui. C'est pas un peu paradoxal, ça? Non. Non, ce n'est pas paradoxal parce que c'est une question d'abord de méthode. Gaston Bachelard, c'est quelqu'un qui apporte énormément de très bons conseils quand on aborde des questions qui sont un peu piégées comme celle de l'innovation. Vous l'avez dit au départ, c'est une notion qui est peu ou mal définie et qui pourtant est très efficace. Le titre de mon livre, c'est « Au nom de l'innovation ». Et en fait, ça veut dire « on fait des choses » au nom de l'innovation. Ce n'est peut-être ni un concept bien défini, ni une chose qui existerait et qui suffirait de remarquer, c'est peut-être un nom, quelque chose qui justifie une action et qui fait exister des réalités sociales. Et dans cette mesure, il est intéressant d'en revenir à Gaston Bachelard, parce que c'est lui qui nous a appris à identifier ce qu'il appelle des obstacles épistémologiques, c'est-à-dire quand on aborde une question, le plus souvent, nous avons dans notre tête des images, des lieux communs, des évidences qu'il faut en réalité savoir neutraliser pour se mettre à réfléchir sans préjugés et pour pouvoir commencer à étudier sérieusement la question. Et avec l'innovation, je crois qu'il y a deux grand préjugé, parce que les obstacles viennent par paires, comme le dit Bachelard. Il y en a un qui serait de dire, eh bien, d'adhérer naïvement à la notion, ce que font des gens, parfois naïfs ou cyniques, et de dire, puisqu'on en parle, c'est que ça existe. Et de l'autre, une attitude qui serait juste démystificatrice, et qu'on dirait que ça ne veut rien dire, c'est une illusion. Et les deux me semblent vaines, en fait, contre-productives, si on veut vraiment se mettre à réfléchir. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire l'innovation ? Oui, mais justement, un mot qui a ce succès en fréquence d'usage, alors qu'il est mal défini, c'est ce qu'on pourrait qualifier de mot totem. C'est-à-dire qu'il sert d'étendard pour justifier toutes sortes d'actions et de types de recherches. Oui, alors j'aime bien l'expression mot totem. Je ne la connaissais pas, mais il y a dans mon livre une quatrième partie qui étudie la question si nous étions dans un monde magique où les noms ont un pouvoir magique et qui correspondrait un peu à cette suggestion de totémisme. Mais au début, j'essaye de me situer dans le monde tel qu'il est, dans notre monde réel, et ma décision, ça a été en fait de savoir qu'est-ce que ça peut vouloir dire en regardant, c'est ce que recommande Bachelard, de faire le profil épistémologique de cette notion. C'est-à-dire de regarder dans l'histoire qu'est-ce que ça a bien pu vouloir dire, de façon à mieux comprendre ce que cela dit de nos jours, et si c'est cohérent, si c'est original, si c'est particulier, ou si, bon, il y a une certaine stabilité. C'est cette enquête-là qui m'a intéressé au début. Oui, d'ailleurs, il y a une grande partie de votre livre qui retrace l'histoire du mot, son usage. Et aujourd'hui, quand on parle d'innovation, on l'associe toujours à la technologie, en tout cas à la modernité. Et vous montrez qu'en fait, ce mot a des racines beaucoup plus anciennes. Il n'a été associé à la technique très tardivement, au XVIIe siècle, alors qu'avant, il avait un sens, disons, juridique ou philosophique. Mmh. Ou politique. Ou poétique, politique même. Et vous citez par exemple Descartes, qui parle d'innovation, et dit « Sans doute en fait de religion, toute tentative d'innovation est odieuse. Chacun croit sa religion instituée par Dieu même, qui ne saurait se tromper. Et dès lors, on croit qu'il ne peut y être fait aucun changement, si ce n'est en mal. Pour la philosophie, ajoute-t-il, c'est tout autre chose. On avoue que l'homme n'en a encore qu'une connaissance très imparfaite, qu'elle est susceptible de nombreux perfectionnements. Il est donc glorieux ici de se placer au rang des novateurs. » Oui, c'est une citation que j'ai choisie parce qu'elle est à la fois très caractéristique de l'esprit du temps et elle explique la situation. Alors, c'est un double mérite. Il y a un chercheur québécois qui s'appelle Benoît Godin qui a montré que pendant le plus gros de l'histoire, le mot innovation était péjoratif. Et ça nous renseigne déjà sur l'originalité de notre époque où on a plutôt un préjugé amélioratif. Hein, on a une vision positive de l'innovation. Non, la plupart du temps, l'innovation était négative, et notamment parce que, comme l'explique Descartes, elle était rattachée au domaine de la religion. Et dans le domaine de la religion, en tout cas, je vais placer dans le domaine de la religion la chrétienne, eh bien, innover, c'est suspect. C'est quelque chose qui peut être taxé d'hérésie. À telle enseigne que, en fait, quand on tombe sur des gens qu'on a envie de qualifier rétrospectivement comme de grands innovateurs dans le domaine de la religion, la plupart du temps, ils se présentent comme des restaurateurs, comme des gens qui, en fait, reviennent à la forme originelle. Ce qui est un mouvement assez typique, il y a un biais pro-conservatisme ou pro-réactionnaire dans le domaine de la religion. Et tout simplement parce que ce que Descartes vous explique, c'est étant donné que la religion se présente comme un message divin, vouloir le modifier, c'est évidemment s'exposer à être accusé de vouloir le corrompre. Et de la même manière, vous voyez, et ça c'est quelque chose que Godin expliquait moins bien, c'est que il y a toujours eu des penseurs pour dire oui, mais on peut avoir un autre usage de l'innovation pour peu qu'on ne soit pas dans la religion. C'est exactement ce que dit Descartes. Il ménage la possibilité de dire oui, mais en philosophie, par exemple, dans l'usage de la raison, il faut être un novateur. Mais avant, le mot était utilisé, vous l'expliquez, dans le vocabulaire juridique, le verbe en bas latin ou en latin même, innovare, c'était, s'agissant d'un contrat qui avait été signé, ajouter un avenant. Oui, il y a un sens. Déjà un sens conservatif, puisqu'il faut maintenir la validité du contrat en changeant le contrat de telle sorte qu'il ne change pas. Oui, c'était le passage dans les langues profanes et dans les langues latines, s'est opéré dans un langage juridique. Et dans ce langage juridique, ça prenait un sens neutre, pour le coup, que vous venez de définir. Ajouter une clause à un contrat préexistant. Et cela explique pourquoi, dans les premiers usages qu'on trouve chez les philosophes, les mots innovation et innover sont le plus souvent référés à un domaine qui est celui, ça sera peut-être une surprise pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est le domaine de la philosophie politique. J'étais étonné que vous citiez Proust, mais j'étais encore plus étonné de voir que dans votre livre, vous citez Mazarin, le cardinal Jules de son prénom. Oui. Qui disait, avant de décider d'une innovation, pose-toi 4 questions. Première question, cette innovation, pour ce qui me concerne, sera-t-elle profitable ou nuisible? Deuxième question, serais-je capable de l'imposer? Troisième question, est-elle en accord avec ma qualité? Quatrième question, ai-je l'estime de ceux qu'elle va toucher? Il a publié ça en 1684 dans un petit bréviaire des politiciens. Pour être tout à fait exact, ce livre a été publié sous le nom de Mazarin à cette époque. Et j'ai lu la préface d'Umberto Eco et ce dernier estimant qu'en fait c'était assez plausible et que le contenu était suffisamment intelligent pour correspondre à l'auteur présumé, je me suis rangé à son avis et j'ai continué. Il y a d'autres personnes qui insistent sur le fait que l'attribution est douteuse. Toujours est-il que il y a une série d'échos que j'ai essayé de résonance, que j'ai essayé de mettre en place dans ce livre entre les sens qu'avait pu avoir l'innovation auparavant et ce qui, de nos jours, est une situation largement balisée à travers ce terme, de façon sans doute en disant trop l'équivocité. Et il y en a une qui me frappe, c'est que connaissez-vous la maxime de Mazarin ? Ben non. Eh bien, c'est simuler et dissimuler. Et on peut en avoir une vision très négative et se dire que c'est une apologie de l'hypocrisie. Et en fait, je crois que c'est plus subtil. Surtout, je vais vous raconter une anecdote. Il m'est arrivé souvent d'essayer d'étudier quels étaient, disons, les milieux propices à l'innovation et notamment... Un des facteurs qui m'est apparu en discutant avec des ingénieurs dans les grandes entreprises ou avec des chercheurs, c'est ce qui est défini comme étant la coopétition. Et la coopétition, c'est un régime de compétition et de coopération qui demande 3 facteurs. Il y en a un qui a un rapport avec Mazarin, enfin avec sa maxime. Le premier, c'est que on est sur un domaine de pointe et où les gens sont très compétitifs, ils veulent être les premiers, mais en même temps, ils ont besoin de mettre des ressources en commun. Un exemple, ce serait, si vous voulez, par exemple, dans le nucléaire, les questions de sécurité, tout le monde collabore. En revanche, pour le reste, non, c'est secret. Et donc, la deuxième chose, c'est qu'il y a une autorité qui est là pour s'assurer qu'il y a bien un phasage qui permet cette coopétition. Ce phasage est en soi temporel. Il y a des étapes où on collabore, d'autres ensuite où on est en concurrence et ainsi de suite. Ou sectoriel, comme je viens de le donner avec l'exemple du nucléaire. Et mais le troisième, c'est qu'il existe un forum où ces gens se réunissent à intervalles réguliers. En général, tous les ans. D'accord. Et ça existe dans le domaine de ce qu'on appelle les roadmaps, par exemple. Les gens qui font les recherches sur l'électronique et qui regardent à ce que la loi de Moore soit respectée. Et bien, que font les gens quand ils se rendent sur ces forums? C'est ce qui m'a été expliqué par les acteurs eux-mêmes. Ou quand l'armée rassemble des industriels et des scientifiques, ou quand les scientifiques ont certains de leurs grands colloques où ils essayent d'anticiper ce que les recherches que vont faire les autres, quels appareils je vais mettre. Eh bien, ils simulent et ils dissimulent. C'est-à-dire qu'il y a une forme de translucidité. Ce n'est pas de l'opacité, on dit bien des choses, mais ce n'est pas non plus la transparence. Donc on révèle des choses sur ce qu'on a fait dans le passé, sur le présent, eh bien on essaye de faire croire quand on y a intérêt, qu'on est en avance, donc on simule, mais on essaye aussi de ne pas montrer là où on est faible ou au contraire on a vu quelque chose mais on est encore mûr, on dissimule. Et puis sur le futur, on discute, on négocie sur ce qui va être le futur. Eh bien, je crois que c'est ça que faisait le cardinal de Mazarin. C'était un grand diplomate, c'était un politique qui montait des alliances entre des gens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, pas forcément les mêmes langages. Et donc, il faisait une sorte de gestion de la coopétition dès son époque. Et c'est pour ça que cette phrase, qui semble être au départ juste un calcul d'intérêt, me semble un peu plus profonde parce qu'elle ouvre cette voie à ces pratiques modernes que nous avons dans la recherche. Mais là, le mot innovation, Vincent Montand, n'a pas du tout de connotation scientifique ou technique, évidemment. Mais même avant le cardinal Mazarin... Machiavel, Nicolas Machiavel avait publié en 1592 Le Prince, le prince dit de Machiavel, qui parle lui aussi de l'innovation en politique et il la déconseille au prince. Du moins tant que le pouvoir du prince n'est pas menacé. C'est presque ça. C'est assez complexe. L'innovation et innover chez Machiavel, cela renvoie à la transformation des institutions politiques. Et donc Machiavel va, et c'est déjà assez particulier par rapport à notre époque qui ne jure que par l'innovation, il va conditionner le recours à l'innovation. Il y a des circonstances où le prince doit innover et d'autres où il ne doit pas innover. L'exemple, c'est vous venez de prendre le pouvoir par scélératesse, c'est-à-dire vous venez de faire un coup d'État, vous n'avez aucune légitimité pour être au pouvoir, mais vous vous y trouvez. Eh bien, Machiavel vous conseille d'innover, c'est-à-dire de faire toutes les transformations de l'État et de les faire vite, violemment, de façon à ce qu'ensuite vous puissiez calmer le jeu. Plus personne ne craint ensuite pour sa vie, pour sa place, et vous pouvez de nouveau construire un climat de confiance qui est quand même plus souhaitable pour exercer le pouvoir. À côté de ça, vous êtes un prince qui a hérité de sa principauté. Vous êtes là depuis longtemps, parce que votre lignée est là depuis longtemps. Vous n'avez aucun intérêt à innover. Car tant que vous n'innovez pas, les gens qui sont sous votre règne n'ont pas idée que c'est possible qu'on puisse innover. Par conséquent, abstenez-vous. Et les choses peuvent être encore un peu plus complexes, c'est-à-dire en fait, ça dépend de votre position. Allez-vous prendre le pouvoir ou voulez-vous le conserver? Et des circonstances, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire êtes-vous dans une situation de crise ou au contraire dans une situation de stabilité? Ce qui donne un tableau assez complexe, subtil, qui doit en réalité parler, je suis à peu près certain, parce que c'était comme ça que se présentaient les choses il y a une dizaine d'années quand je discutais avec le directeur de SEB ou avec d'autres gens. Je veux dire, les responsables économiques, en fait, savent ça. C'est juste qu'on est dans une période d'idéologie où tout le monde prétend innover tout le temps. Mais enfin, ce n'est pas vrai. Il faut, une fois qu'on a fait une innovation, l'amortir. Il faut la faire durer le plus longtemps, ralentir avant de pouvoir faire l'innovation suivante. Donc il y a une temporalité de l'innovation, Vincent Montand, et l'auteur qui vous, à mon avis, vous inspire le plus pour en parler, d'après ce que je ressens de la lecture de votre livre, c'est Francis Bacon, qui publie en 1625 « Essais et conseils civils et moraux », livre dans lequel il y a un chapitre qui s'intitule « Innovation » et pour la première fois, on associe innovation et technique. Oui, non. L'auteur qui me passionne le plus, c'est Gilbert Simondon. Oui, et on c'est y viendra, lui... mais enfin, parmi ceux qui sont morts depuis très longtemps, je voulais dire. Voilà. Et c'est lui qui permet de poser un début de réponse, on va dire, construite sur des faits à propos de cette question des rythmes d'évolution. Mais il est vrai que Francis Bacon, c'est un auteur qui, dans ses essais, produit une réflexion sur l'innovation qui, pour le coup, résonne énormément avec une certaine rhétorique qu'on va retrouver de nos jours très répandue. Je m'explique. Quand vous êtes avec Machiavel, vous êtes dans quelqu'un qui, d'une certaine manière, dit des choses qui ressemblent par analogie avec ce qu'on appellerait l'innovation de rupture de nos jours, et qui donne des conseils de prudence qui, par moments, peuvent sonner de façon intempestive. Comme, par exemple, quand il rappelle que plus une chose est ancienne, plus elle a de chances de durer. Ce qui n'est pas évident dans notre esprit contemporain, mais qui, on appelle ça parfois l'effet Lindy. Oui, si une chose a survécu à beaucoup de chocs par le passé, elle a des chances de prendre les suivants avec sérénité. Si vous me demandez dans 100 ans, si vous deviez parier, est-ce que vous pariez qu'il y aurait toujours des bonnes sœurs ou des influenceuses? Moi, j'allais prendre l'exemple des fourchettes, mais peut-être que... Oui, non, mais j'avais pris ça, mais que... pour tout dire, c'est une fonction sociale. Et on voit bien que de nos jours, il y a plus d'influenceurs que de bonnes sœurs, et en plus, ça croît davantage, et c'est plus récent. Pourtant, si vous réfléchissez un petit peu, et si vous dites, dans 100 ans, en vous disant que justement, ça vient de révolutions technologiques qui vont peut-être se poursuivre, se transformer ou refluer, vous aurez tendance à dire, je suis à peu près sûr que dans 100 ans, il y aura encore des bonnes sœurs. Mais que deviendrait votre raisonnement si des bonnes sœurs devenaient influenceuses? C'est une bonne remarque, et il faudrait tout simplement... Ou l'inverse. L'inverse, ça irait dans mon sens, mais dans l'autre, je dirais d'ailleurs, c'est en cours, à mon avis, et ça nous prouverait bien qu'il y a une hybridation et que les bonnes sœurs sont capables, justement, de s'adapter aux transformations technologiques. Pour en revenir à Bacon. Bacon, lui, il dit des choses qui sont beaucoup plus proches de ce que nous appellerions l'innovation graduelle, incrémentale. Et ça, c'est intéressant, c'est un raisonnement qui essaye de dire, il y a Finalement, c'est toujours une prise de risque, Machiavel est d'accord, mais il y a une prise de risque qui est asymétrique. Si jamais vous réussissez une innovation, les gens diront « Ah, ben, il était temps, voilà. » Et si vous faites une innovation qu'ils trouvent à leur désavantage, comme vous en avertissez Mazarin, eh bien, dans ce cas-là, ils vous tiendront coupable. Donc, dans cette condition, il faut innover, mais innover en gardant les choses sous contrôle, c'est-à-dire innover doucement, presque insensiblement. Et ça a une autre raison métaphysique. Au rythme du temps, dit-il. Exactement. Au rythme du temps. Et son temps n'est pas du tout celui de Machiavel. Machiavel avait un temps fluctuant, ponctué de crises. Le temps de Bacon, c'est un temps corrupteur. C'est le temps qui joue contre nous, lentement, mais sûrement. Et d'ailleurs, ça explique, à mon sens, c'est ça qui explique que beaucoup des conseils que donne Bacon pourraient être repris à leur compte par la Commission européenne ou par un autre comité d'éthique. Oui, parce que quand la Commission européenne a dit que la gravité des défis que nous devons relever augmente chaque jour, ben oui. Elle tient aussi un discours sur le temps qui le fait passer pour corrupteur. Et je vais me permettre de faire... De refaire allusion à Dominique Lecourt, il est arrivé que vous écriviez dans une collection dont il était l'un des directeurs, si je ne m'abuse, sur l'avenir du progrès. Et à cette occasion, je me souviens que vous avez expliqué que nous étions passés du progrès, une temporalité orientée vers l'avenir en attente de quelque chose, une amélioration, d'un décollage, capable de faire des sacrifices pour être polarisé par cette attente, à une autre type d'orientation dans le temps qui est celui de l'innovation et qui est beaucoup plus pessimiste. Avec l'idée d'un temps qui, en effet, qui dégrade les situations. Et qui rend. Qui est l'allié du mal. Qui est l'allié du mal et qui rend, du coup, qui rompt la symétrie entre la prise de risque et la confiance, enfin, la prise de risque à faire ou à ne pas faire, puisque si vous ne faites rien, vous êtes sûr de perdre. C'est exactement l'argument qu'utilise Francis Bacon. Il dit, le temps apporte constamment de nouveaux maux, si vous n'apportez pas de nouveaux remèdes, quelle sera la fin? La fin, oui. Elle sera mauvaise. Alors, moi, je vais parler de nouveaux mots avec MOTS. Ah. Parce qu'en vous lisant, on apprend des mots, enfin des vieux mots qu'on ne connaît pas, donc on augmente sa culture. Qu'est-ce que vous appelez le misonéisme? Ah, le misonéisme. Le misonéisme, c'est un terme que je reprends, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui l'ait inventé, mais justement, je le reprends à Gilbert Simondon. Gilbert Simondon, c'est le grand philosophe des techniques en France au XXe siècle. Qui est né il y a un siècle. Exactement. Cette année, nous fêtons l'année. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu. Je sais qu'il y a quelque chose de prévu ici, à Taïwan, à Lisbonne, à Londres, enfin à Oxford. Je suis invité à chaque fois, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu à Paris. Donc, c'est un petit appel du pied à l'École normale supérieure. Si jamais vous avez envie d'organiser quelque chose, on peut toujours s'arranger. Bon, et maintenant, pour être sérieux, misonéisme. Le misonéisme, c'est la crainte de la nouveauté. Et c'est d'ailleurs un point intéressant parce que c'est donc cette force qui s'opposerait aux innovations, au sens des innovations technologiques. Et là, Gilbert Simondon fait remarquer qu'en fait, plus encore que la crainte de la nouveauté, c'est la crainte de l'étrangère. Alors Bacon avait expliqué que toute innovation est comme une étrangère, davantage scrutée, davantage soupçonnée. Mais ce que fait remarquer Simondon, c'est que c'est aussi une étrangère dans la mesure où la réalité technique, la machine, est quelque chose qui n'obéit pas spontanément aux lois sociales et qui donc présente une étrangeté radicale par rapport à notre culture, introduit de nouvelles normes et est toujours donc source d'une forme de perturbation. Simplement, on n'est pas obligé de penser que la perturbation de l'ordre social est toujours mauvaise. Hein, c'est pas du tout ce que pense Simondon. Au contraire, il pense que l'inventeur, c'est quelqu'un qui fait pas comme les autres, parce qu'il fait pas comme on devrait faire. Et ça, sur ce point, il est d'accord aussi avec Bachelard pour l'invention. C'est une transgression, une désobéissance à droite, comme disait Bachelard. Et s'il ne fait pas comme les autres, s'il ne fait pas comme on fait, mais qu'il fait plus intelligemment, c'est qu'il entretient un dialogue avec la nature, enfin je veux dire avec ce qu'il y a comme possibilité physique pour créer de nouvelles machines, pour créer de nouvelles réalités techniques. Et donc, en effet, il instaure de nouvelles normes. C'est en ce sens qu'il y a un aspect extrêmement positif à fracturer la société par l'innovation, par l'invention en tout cas. Mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose d'usant et d'aliénant. En revanche, dans un cycle de l'innovation qui se reprend sans cesse, cette innovation artificielle dont nous avons parlé... Qui empêche de se reposer. Par exemple. Mais à Vincent Mondrian, le fait de mettre, comme vous l'avez expliqué, à ce point le mot innovation en avant, est-ce que ça ne suscite pas des craintes, craintes de la nouveauté, une sorte de misonéisme moderne qu'on tenterait de juguler par le principe de précaution? Ah, décidément, nous ne quittons pas l'orbite de nos discussions avec avec Dominique Lecourt, puisque c'est aussi quelque chose qui était au cœur de nos échanges. Et quelque chose que j'essayais d'expliquer en sa présence, et je crois qu'il n'était pas entièrement convaincu, mais je vais quand même le dire pour nos auditeurs, parce que moi j'y crois, c'est le principe de précaution n'est pas un principe d'immobilisme. Le principe de précaution, eh bien, c'est quelque chose qui vous incite, qui vous enjoint à faire toutes les recherches pour en savoir davantage sur les conséquences, sur les tenants et aboutissants justement de votre introduction de nouveautés. Et donc, en ce sens, c'est tout à fait conforme à l'appel de Mazarin, tiens, par exemple, qui nous disait « réfléchis un petit peu à ce qui va se passer après ». Et ce n'est pas donc quelque chose qui est fait pour bloquer l'innovation, c'est quelque chose qui est fait pour l'innovation responsable, pour utiliser un terme qui, de nos jours, est mis en avant. Est-ce que, Vincent Mondrian, il y a toujours de l'invention dans l'innovation? Ou est-ce qu'il y a des innovations qui ne réclament aucune invention, qui simplement concernent des relations entre une entreprise et ses clients? Il faut distinguer invention et innovation, vous l'avez fait, parce que souvent on dit, en fait, l'innovation, ça sera la première application d'une invention avant sa diffusion. Mais au-delà de ça, il faut bien voir qu'il y a bien sûr d'autres sources à l'innovation que l'invention. Le promoteur du terme innovation dans la théorie économique, Joseph Schumpeter, a écrit qu'il pouvait y avoir des innovations sans rien qui s'approche d'une invention et que certaines inventions ne deviendraient jamais des innovations. Exemple ? Par exemple, la mode. Dans le domaine de la mode, il y a bien des choses qui ne sont pas des inventions techniques. On peut tout à fait reconnaître des inventions stylistiques, esthétiques. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas indexé au progrès des sciences et de la technique. On peut avoir une création de nouveautés parfaitement de valeur, voilà, à travers un mécanisme de renouvellement quasi permanent de la création dans le domaine du vêtement. Et donc, ça va nous donner un domaine, un secteur d'innovation qui n'a pas besoin fondamentalement d'une invention radicale d'un point de vue technologique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut souligner que l'autre source de l'innovation, c'est la créativité. La créativité, c'est tout simplement d'être capable de trouver de nouveaux motifs, de trouver de nouvelles fonctions sociales désirables et de pouvoir les varier. Alors que l'invention, c'est la transformation des fonctionnements. Il y a donc deux horizons qui permettent l'innovation, un horizon de faisabilité technologique et un horizon de créativité de fonctions désirables. Et une innovation, c'est fondamentalement un nouveau vecteur, une nouvelle façon d'attribuer une fonction à un fonctionnement, mais vous pouvez très bien le faire en variant uniquement les fonctions. Comme, il faut souligner, c'est un économiste qui s'appelait Jean-Louis Monoury, en s'appuyant sur Simondon, qui l'a dit, il est plus facile d'innover quand il y a eu un progrès du côté de la technique, quand il y a eu un progrès de fonctionnement. Parce qu'à ce moment-là, il suffit de faire de la créativité. Alors qu'en revanche, si vous êtes dans ce qu'on appelle une lignée technique, il y a un moment de saturation, c'est-à-dire il n'y a pas eu de progrès depuis longtemps et puis on ne voit pas quand va y avoir le suivant. À ce moment-là, vous avez certainement saturé l'ensemble des fonctions désirables et là, il devient très difficile d'innover. Sans invention. C'est pour ça que l'invention est si importante. Mais inversement, est-ce qu'il y a des inventions qui ne sont pas des innovations? Oh oui, c'est une illusion d'optique que de croire que tout ce qui est techniquement possible sera réalisé. En réalité, ce que nous apprend l'histoire, c'est qu'il y a eu constamment des inventions et que la plupart ont terminé au bureau des brevets dans un tiroir ou après une tentative infructueuse. D'abord parce qu'elles sont concurrentes entre elles pour les ressources. Donc, il y a des gens qui vont faire différentes inventions et puis à la fin, vous avez le gramophone, le phonographe, plein d'autres dispositifs pour enregistrer le son et le restituer. À la fin, il en reste un. Il y a une phase de standardisation. En fait, il y a une courbe du rapport entre l'invention et l'innovation. Il y a une courbe de, à certains moments, d'épanouissement, où il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être créées et qui sont en concurrence, et puis d'autres moments de standardisation, voire, comme je l'ai dit, de saturation, où on ne sait plus vraiment ce qu'on peut faire. Vous avez cité Joseph Schumpeter, Vincent Mondrian, son livre « Théorie du développement économique », 1911, dans lequel il a parlé de destruction créatrice à propos de l'innovation. Non. Non, non, il en parle beaucoup plus tard, mais ça, c'est un peu l'idée déjà là. Alors, moi, j'ai cru que c'était là, mais c'est quand même bizarre cette notion de destruction créatrice, parce que c'est pas en jetant des iPhone 13 dans la Seine qu'on fabrique des iPhone 14. Oh, mais je connais quelqu'un qui disait ça. C'était Jean-Luc Ferry dans son bouquin. Ce qui prouvait qu'il avait rien compris à Schumpeter. C'est comment il... Luc. Excusez-moi. Ça, c'est pas bien d'écorcher le nom des gens. Non, mais bon, c'est plutôt une création destructrice que propose Schumpeter. Non. Pourquoi? Parce que. Sur quoi Schumpeter insiste, c'est que quand il va y avoir innovation, c'est d'abord que vous cessez de faire comme avant. Hein, on fait plus comme avant, on fait plus comme font les autres. Et donc, déjà ça, en fait, c'est dans le processus de création de valeur, il y a une forme de destruction. Qui plus est, une innovation. Qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une innovation du point de vue technologique. Je l'ai dit, c'est une nouvelle fonction désirable ou un nouveau fonctionnement, ou les deux, voilà. Qui vont ensemble, une nouvelle intention technique, on va dire. Et cette intention technique, elle se présente comme une technologie d'avenir. Ce qui veut dire qu'elle rejette dans le passé bien d'autres choses. Elle rejette même dans le dépassé. Donc toute innovation crée de l'obsolescence. Et c'est ça que veut dire Schumpeter. Il veut dire que du moment que vous allez faire autrement, vous allez essayer d'imposer quelque chose. Alors, quelquefois, ça se superpose dans le système. C'est d'ailleurs assez courant. Mais la plupart, enfin, ce qu'il espère, lui, c'est que ce mécanisme permette de détruire ce qui est déjà en place, d'y mettre un terme. Pourquoi ? Parce que c'est un libéral et qu'il veut que y ait, les cartes du capitalisme soient constamment rebattues et que les gens puissent... Qu'il n'y ait pas de monopole. Ah non, c'est vraiment pas le penseur du monopole. Pour lui, le penseur du monopole, c'est Marx. Non, justement, pour empêcher qu'il y ait des monopoles. Exactement, oui. Schumpeter, il veut un mécanisme qui détruise régulièrement, qui restitue les conditions de la concurrence assez régulièrement et qui remette de la valeur dans le processus en faisant mieux. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il attend sous le nom d'innovation. Et c'est un processus dont il espère, on va dire, qu'il va ralentir la sclérose bureaucratique du capitalisme. Est-ce que ça vaut le coup, quand on est chercheur ou ingénieur, d'innover ? Est-ce qu'on est récompensé à chaque fois ? Vous citez Norbert Wiener, qui écrit un livre sur l'invention en 1954, qui, de ce point de vue-là, est plutôt pessimiste. Je le cite. « Ainsi, la probabilité qu'une invention vraiment fondamentale soit la source d'un bénéfice commercial pour la personne qui l'a inventée est en fait très faible. » Cela ne vaut pas la peine d'investir un centime là-dessus, car il n'y a nul procédé qui assure que du pain jeté sur les eaux revienne à la personne qui l'a mis à flot. Oui. Alors, Norbert Wiener, c'est quelqu'un qui... Il y a des contre-exemples, quand même. Il y a des contre-exemples. Thomas Edison et quelques autres. Ah, oui. Bon, Thomas Edison, c'est vraiment un innovateur. Vous avez raison, mais est-ce un chercheur au sens du chercheur scientifique et technologique que vous aviez en tête au départ ? Je suis pas sûr. C'est vraiment l'innovateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut tout à fait aussi s'emparer des inventions des autres et les faire fructifier. Donc, ce qui caractérise l'inventeur, on l'a dit, c'est d'être capable de renouveler les fonctionnements. Voilà. Et l'innovateur est celui qui va finir par réussir à valoriser une nouvelle intention technique. Donc d'une part, il peut ne s'être intéressé qu'aux fonctions désirables sans avoir agi à aucun moment sur les fonctionnements. Mais surtout, ça procède d'une autre forme de logique, si bien qu'il faut remarquer que ce n'est pas le même métier. Le métier de chercheur et la posture de l'innovateur, ce sont deux choses assez différentes. On peut créer des passerelles, on doit observer pour commencer que ce sont des logiques assez distinctes et que, si pour prendre un exemple, dans toute la polysémie du terme « innovation », ce qui s'exerce comme logique d'innovation la plupart du temps dans l'industrie et dans l'entreprise, c'est une logique du moins coûtant. C'est-à-dire, si vous pouvez refaire ce que vous savez faire pour moins cher, c'est tout bénef, parce que vous avez augmenté la profitabilité, vous êtes sûr à la fois de pouvoir augmenter vos marges et de baisser le prix éventuellement pour aller chercher les concurrents. C'est très bien. Alors que la logique de la recherche est la logique du mieux-disant. C'est-à-dire, pour le même prix, faire mieux. Le chercheur est quelqu'un qui prend énormément de risques parce que c'est quelqu'un qui essaye toujours de faire ce qu'il ne sait pas faire, ce qu'il ne sait pas encore faire. Et du coup, il y a de nos jours une sorte de superposition dans le domaine de la recherche entre une injonction à innover et qui est plutôt de garantir qu'on va réussir à coup sûr à faire quelque chose de profitable et une réalité, une ambition première, une vocation à inventer qui consiste à faire toujours mieux, un principe de perfectibilité. Le résultat, c'est souvent dans nos organismes de recherche, dans les appels à projets, une forme de double langage, où j'ai un passage que j'espère tout de même instructif et distrayant, même s'il a un peu de technicité, où je montre qu'il y a différents régimes de gestion de l'innovation dans la recherche, et il y en a un où, en gros, les recherches les plus intéressantes en science, c'est celles quand on change à la fois de fonctionnement et de fonction entre le début et la fin du projet. Parce que c'est comme ça, la recherche est très non linéaire et que donc les deux horizons évoluent en même temps. Eh bien, évidemment, pour se couler dans le moule institutionnel actuel de la recherche, les chercheurs mentent deux fois. Ils mentent une fois au début du projet, en disant qu'ils sont sûrs de ce qu'ils vont faire, qu'ils vont réussir à le faire, alors que bien évidemment, ils essayent de faire quelque chose qu'ils ne savent pas encore faire. En général, ils parlent au conditionnel. Oui, mais ils promettent quand même. Et on les oblige à promettre, hein. C'est pas eux qui ont décidé, il y en a qui le font, c'est un vieux pacte, hein, qui a été fait entre la société et la science, et c'est Francis Bacon qui a d'ailleurs donné les termes du pacte. C'est la science promet qu'elle amènera des bénéfices techniques, hein, pour l'humanité. Donc c'est pour ça qu'on la finance quand même. Mais bon, ils promettent quelque chose, mais quelque chose de précis, et puis à la fin du projet, c'est-à-dire entre-temps, il se passera plein de choses, et à la fin, on aura trouvé quelque chose d'intéressant, mais qui sera ni exactement le même fonctionnement, ni exactement la même fonction que celle qu'on avait prévue. Et puis, à la fin, on dira, ça s'est passé exactement comme on avait prévu que ça se passerait. Et en fait, vraiment, c'est un passage où je montre à quel point il y a des renversements, des choses imprévues, des choses qui sont vécues comme des anomalies, parce qu'on s'est dit, tiens, il va y avoir un processus linéaire, mais les gens qui sont dans la recherche savent que le processus n'est jamais linéaire, et que par conséquent, ce qui apparaît comme des anomalies et qu'on dissimule, c'est la réalité de la recherche. Mais est-ce qu'on fait appel à l'innovation parce qu'on a l'impression que le monde se défrait si elle n'était pas là pour maintenir le monde en quelque sorte? Ou est-ce que les promesses dont vous parlez sont analogues à celles qu'on pouvait faire sous l'égide du mot progrès? Non. Autrement dit, le rapport au temps, la conception du temps qu'aujourd'hui l'innovation présuppose, est-ce qu'elle est corruptrice comme chez Bacon ou est-ce qu'elle est constructrice comme l'idée de progrès le réclamait? Elle est divergente. Il y a, avec le mot innovation, on a créé un terme qui crée un horizon, l'horizon unique de toutes les recherches, qui parfois est paré de toutes les vertus. Vous avez cité le texte que je cite sur la Commission européenne, mais on l'aurait trouvé partout ailleurs. C'est la panacée, c'est censé tout régler. Mais surtout. Oui, mais en même temps, ça suscite un sentiment d'imperfection, puisque s'il faut innover en tout secteur, ouais, ça veut dire qu'en tout secteur, rien ne va vraiment. Ouais. Tout pourrait aller mieux. Et donc, ça crée une sorte de frustration par rapport au présent. Ah, je pense que ça incite à une frustration permanente, mais plus encore, je pense que ça obéit à des logiques divergentes, c'est-à-dire que ça masque des contradictions. Parce que c'est l'objet de la troisième partie qui est sur... c'est le titre de votre émission, c'est « Pourquoi faire ?» Est-ce qu'on poursuit... Est-ce que c'est la recherche du progrès ? Comme autrefois. Alors, on aurait juste troqué un mot contre un autre et puis instauré un système de gestion plus ou moins efficace suivant les cas. C'est ce que j'essaye de voir dans une partie. Ou bien, est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Et ces autres valeurs, je pense que assez spontanément viendra à l'esprit de nos auditeurs le profit. Et c'est vrai que c'est une des valeurs qui orientent la recherche de l'innovation. Mais il y a aussi la puissance. Et c'est cette troisième valeur qui est la plus ambivalente dans la mesure où nous vivons précisément, c'est la tension de notre époque, l'ère où nous prenons conscience de la finitude de notre monde et des capacités de notre civilisation à se développer dans un monde fini. Et donc, il y a, dans la recherche de la plus haute puissance, il y a ce paradoxe qui est que, bien sûr, quand vous améliorez... les rendements des machines, vous vous rendez capable, en fait, de décélérer. Vous vous rendez capable de faire la même chose pour moins d'énergie, en moins de temps, et donc ça devrait permettre au système de décélérer. Mais en réalité, c'est-à-dire habituellement, vous êtes pris dans une course de puissance qui fait que vous inventez des usages plus intenses de l'innovation, ce que les économistes appellent l'effet rebond, même si c'est plus complexe que ça, parce qu'il y a plein de domaines où ça se conjugue autrement. Et dans ce cas-là, cette logique de recherche de la plus grande puissance, en fait, elle a un sens dans un seul, elle n'a un sens, je veux dire, univoque que dans un seul domaine, c'est la recherche militaire. La très haute puissance, c'est ce qui permet de détruire le mieux. Et ça, c'est compréhensible quand vous êtes dans l'industrie de la défense. En revanche, que notre système, disons, de production civile soit basé sur une accélération de la recherche de l'innovation qui ne prenne pas en compte que maintenant, cette recherche de la haute puissance est devenue mortelle pour la survie à long terme de notre civilisation. Ça, c'est le drame de la, de la culture et de la conscience contemporaine. La conscience contemporaine souffre dans un dilemme entre une valeur de progrès qui est inaliénable, on doit pouvoir penser qu'on doit toujours pouvoir faire mieux, techniquement, mais ça ne veut pas vouloir dire que les choses iront mieux, parce qu'on est peut-être irréversiblement dans quelque chose qui ne va pas bien. Mais de l'autre côté, il y a cette conscience de la finitude, qu'il faudrait ralentir. Et entre un progrès qu'on n'arrive pas à dissocier de la notion de croissance, et de l'autre côté, une version de la finitude, de la décroissance, qu'on n'arrive pas à dissocier de la régression, eh bien, la conscience souffre. C'est pour ça que j'ai essayé de ménager en fait le fait de redonner un nouveau sens à l'innovation. Et je suis pas le seul d'ailleurs. Quand j'ai appris le titre de l'émission, ça m'a fait sourire parce que j'ai un collègue et ami à l'école des mines qui a écrit, Franck Algéry, qui a écrit un livre qui porte ce titre, hein, l'innovation pourquoi faire. Alors c'est très complémentaire. Mais nous, c'est avec oui, mon livre. Mais pourquoi faire? Oui, là, c'est « mais pourquoi faire ?» Oui, même, c'est plus positif, oui. Lui, c'est plus interrogatif. C'est très nos livres sont très complémentaires, il n'y a pas de redite. Mais qu'est-ce que l'innovation, Vincent Montand, doit faire de l'ancien ? Vous citez votre maître intellectuel, J.P.R. Simonton, oui. En exergue d'un chapitre qui s'intitule « L'essence de l'éternel futur ». Je lis cet exergue. Gilbert Simondon écrit « La technologie approfondie doit apprendre non seulement à inventer du nouveau, mais aussi à réinsérer l'ancien » et à le réactualiser pour en faire un présent sous l'appel de l'avenir. Oui. Expliquez-moi ça. Sous l'appel de l'avenir, c'est-à-dire que l'innovation doit nous promettre et nous permettre de réaliser un futur moins éphémère. Et dans cette façon de redéfinir le progrès, de faire progresser le progrès, c'est justement de le dissocier de ce que nous avons vécu jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, nous avons vécu des phases de progrès durant des crises de croissance de nos civilisations. Or, ça n'est plus envisageable. Nous devons stabiliser et même faire décroître un certain nombre de nos usages de la matière, de l'énergie et de l'information, c'est-à-dire de l'attention humaine. Et dans cette mesure, le concept de progrès cesse d'être une course en avant, il cesse même d'être linéaire, c'est-à-dire que ce qui est le vrai progrès, ce que j'appelle dans mes recherches les « right tech », pour dissocier, pour ne plus opposer low-tech et high-tech, eh bien, c'est de faire appel aussi bien, quand c'est possible, à des technologies issues du passé, oubliées ou enfouies localement, mais qui permettent de rendre des fonctions vitales en utilisant la plus basse puissance possible, conserver certaines choses que nous avons, mais aux bonnes dimensions par rapport aux capacités de l'environnement de les, disons, d'amortir notre action, et puis mettre fin à aussi des technologies zombies, c'est-à-dire des technologies qui sont économiquement viables mais qui ne sont plus raisonnables du point de vue de la surface, de la survie du vivant sur cette planète. Et puis enfin, nous avons encore des choses à inventer. Ce qui fait que le vecteur du progrès ne va pas du passé vers le présent comme l'innovation le dit en permanence, c'est-à-dire créer tout le temps de l'obsolescence, mais d'une façon, il va créer, il va dans les trois dimensions du temps, il va récupérer des choses qui méritent d'être réestimées et qui n'étaient pas vraiment obsolètes et qui mériteraient d'être réutilisées, tout comme il cherche à inventer des choses qui n'existent pas encore. Mais est-ce que les mythes associés ordinaires à l'innovation, celui de Prométhée, celui de Faust, restent pertinents ? Est-ce que c'est deux faces de la même pièce ? Alors, c'est deux mythes qui, pour moi, polarisent une compréhension de la situation. L'un, le mythe de Prométhée, c'est celui que je valorise, en particulier dans la façon dont Gaston Bachelard l'a compris, comme étant lié, le motif qu'il retenait, c'est celui du vol du feu. Parce que c'était celui qui, dans le mythe de Prométhée, constitue cette transgression dont on nous a parlé, c'est-à-dire cette désobéissance à droite, qui symbolise la sublimation des chercheurs. À droite, en un seul mot. Oui, qui fait preuve d'adresse. Et j'y rajoute un détail qui vient, c'est pas moi qui l'ajoute, mais j'insiste sur un détail qui vient du mythe originel d'Hésiode, c'est que quand Prométhée dérobe le feu pour le ramener aux hommes. Il met le feu, il prend les braises et il les met dans une férule. Le férule, c'est une sorte de fenouil géant qui peut servir de porte-feu parce que c'est une plante qui est plus humide à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, on peut la creuser, poser les braises et elles vont être maintenues. Elles ne vont pas s'éteindre, mais elles ne vont pas non plus se propager. Autrement dit, c'est un art de la moindre puissance. Et donc, il me semble que le mythe de Prométhée qui a beaucoup été dévoyé, transformé en incendiaire par les nazis, par exemple, qui a été aussi caricaturé comme étant quelque chose qui venait transformer le monde, est au contraire un mythe de prudence et de cette suprême habileté qui consiste à utiliser les choses avec la moindre puissance. Alors que le mythe de Faust, si on regarde bien, le mythe de Faust, il a été thématisé pour comprendre la technologie faustienne par Oswald Spengler au début du XXe siècle. Et ça a été la matrice de ce qu'on appelle le modernisme réactionnaire, c'est-à-dire l'idéologie nazie de compréhension de la technique, qui voulait dire il faut le maximum de puissance technique, mais ce n'est pas la peine de mettre derrière cette sublimation scientifique qui est de comprendre le monde, de le rendre intelligible, et surtout pas l'idéologie des lumières, d'émancipation des personnes avec. Il faut juste la puissance. Et malheureusement, ce motif, c'est aussi celui d'un pacte faustien, c'est-à-dire vous n'avez pas le choix. Vous avez fait le pacte avec la machine, avec l'innovation. Eh bien, maintenant, elle prétendra réaliser un certain nombre de vos désirs. Jeunesse éternelle, sexualité à volonté, violence, tout ce que vous voulez. Tous ces mythes sont dans Faust. Mais à la fin des fins, elle vous détruira. Mais mieux vaut vivre comme ça intensément dans ce pacte faustien que d'avoir une existence banale et ordinaire. Parce que sinon, c'est les autres qui vous détruiront. Et cette idéologie profondément destructrice, elle est celle qu'on retrouve d'une certaine manière chez certains idéologues de la Silicon Valley. Il y a un libertarianisme qui se reconnaît dans un dark enlightenment, dans des lumières obscures, et qui est la promotion d'un hyper-racisme. Alors évidemment, on n'est plus ouvertement antisémite, mais on prétend qu'il y aura des transhumains et des post-humains et que le reste de l'humanité est condamné à subir ou disparaître la loi des maîtres. Et ça, c'est, à mon avis, le conflit idéologique qui est devant nous. Mais est-ce que l'IA peut innover? C'est la dernière question, Vincent. Ah, bah oui, l'IA peut innover. Que vous ai-je dit? Que les sources d'innovation, c'était la créativité et l'invention. Or, il me semble qu'on ne peut pas dénier le fait que la source de créativité qui est actuellement en train d'être mise au point grâce au mécanisme de l'intelligence artificielle. En revanche, on peut se demander si elle peut nous remplacer pour les plus hautes activités telles que l'invention. Et le constat que je pose avec Simondon et Bachelard, c'est non, si on pense que l'invention, c'est quelque chose qui reconfigure au nom d'un futur que l'on ne connaît pas vraiment encore, c'est-à-dire d'un inconnu désirable, le présent. Et dans ce cas-là, et dans le fait qu'on est obligé de s'appuyer sur des idées qui sont encore indécidables, eh bien, la machine semble être condamnée à rester dans le périmètre de la créativité, qui est quand même complètement énorme, et du travail brutal d'adapter ce que nous savons déjà, ce qui, à mon avis, couvre 99% des activités intellectuelles de l'humanité, quand même. Mais il n'y aura pas forcément d'Einstein. Einstein sera le mot de la fin. Formidable. Merci, Vincent Bontemps. Tout de suite, nous allons retrouver Alexandre Adelbeau pour sa chronique avec science. Je crois qu'elle va nous parler aujourd'hui d'hormones de croissance, notamment de la somatotropine qui n'a pas fait que du bien. Certains patients qui ont reçu de l'hormone de croissance contaminée ont développé une forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Il faut rappeler quelques éléments de contexte de cette tragédie médicale. Jusqu'au milieu des années 80, une hormone de croissance, la somatotropine, était injectée à des enfants atteints de troubles génétiques de la croissance. Cette protéine, avant d'être synthétisée en laboratoire quelques années plus tard, était extraite de corps humains donnés à la science à partir de leur glande pituitaire, aussi appelée hypophyse située à la base base du cerveau. Ce traitement avait donc pour but de corriger une croissance trop lente. Seulement, les donneurs présentaient parfois eux-mêmes des pathologies contagieuses, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie à prion. Luc Buet est directeur de recherche CNRS, responsable du laboratoire INSERM Alzheimer et Tauopathie, et directeur du Centre de recherche en neurosciences et cognition de Lille. Quand on parle de maladie qui est contagieuse, où on peut être infecté, on pense à un virus, une bactérie. La maladie à prion, c'est en fait une protéine particulière qui s'appelle la protéine prion. Elle prend une forme particulière, on va dire, elle se comporte comme un moule, et où les protéines prion normales vont venir se coller à ce moule, prendre une forme particulière et auront une tendance à s'agréger dans le cerveau. Et en s'agrégeant de cette façon, en fait, s'entraîne une neurotoxicité, une mort neuronale massive et la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est une maladie, à partir du moment où on a les premiers symptômes, on peut en 6 mois disparaître tellement elle est agressive. Et il y a une idée que les protéines qui s'agrègent dans les maladies neurodégénératives, comme le peptide amyloïde, la protéine tau, la protéine alpha-synucléine, toutes ces protéines qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, pourraient se comporter comme une protéine de type prion. Cette contamination a conduit à un véritable drame sanitaire puisque 120 enfants et adolescents sont morts en France de cette dégénérescence très agressive du système nerveux. Les prions mal repliés se sont retrouvés dans l'échantillon avec cette fameuse hormone de croissance. On parle donc de maladie iatrogène, une maladie déclenchée par un médicament ou une intervention médicale, ce qui pose plusieurs questions. Est-ce que d'autres protéines ont été emportées avec elle? Et est-ce que d'autres maladies neurodégénératives à progression plus lente ont ainsi pu se transmettre? Il y a déjà quelques éléments de réponse dans la littérature scientifique. Des études précédentes en 2015 et 2018 avaient démontré que les jeunes adultes décédés de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, après avoir reçu le traitement, présentaient déjà plusieurs marqueurs de la maladie d'Alzheimer, à savoir des dépôts de peptides bêta-amyloïdes et des agrégats de protéines tau, les deux protéines dont on parle souvent et dont on ne sait pas encore exactement qui vient avant l'autre. Mais il fallait être prudent parce que la maladie est courante et que les sujets sans troubles cognitifs peuvent présenter des traces de la maladie. Cette fois, une nouvelle étude parue dans Nature Medicine rapporte que certains patients ayant reçu l'injection il y a 40 ans, sans avoir développé la maladie à prion, ont développé une forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, en analysant soit le cerveau des patients qui sont décédés, soit en faisant des évaluations neuropsychologiques, des évaluations par imagerie cérébrale, en fait, 5 de ces enfants, qui sont maintenant évidemment des adultes et qui ont vieilli, présentent une maladie d'Alzheimer avec toutes les caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Donc on voit qu'on est sur un nombre très faible. Enfin, il y a 8 cas qui ont été étudiés et il y en a 5 qui présentent clairement une maladie d'Alzheimer. Les 3 autres vont peut-être la développer, mais en tout cas, en l'état des connaissances, on a actuellement 5 cas sur les 8 étudiés. Mais quelque part, de nouveau, on trouve un lien entre cet acte, je veux dire, d'injection d'hormones de croissance avec une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. Il s'agit donc de cas très particuliers de transmission interhumaine, liés donc à des pratiques d'extraction d'hypophyse qui n'existent plus. Et ces résultats présentent 2 implications majeures. La première concerne la décontamination des instruments de chirurgie. Et là, il faut être très clair, le risque n'existe que si la stérilisation n'est pas optimale, et elle l'est bien dans notre pays. La seconde, c'est que ces résultats viennent renforcer l'hypothèse selon laquelle la maladie d'Alzheimer est une maladie de type prion, où des protéines en mauvaise conformation 3D, mal repliée, se propagerait de cellule en cellule pour transformer les protéines saines en protéines toxiques. Et c'est un enjeu pour les stratégies thérapeutiques actuelles, éviter la propagation des protéines de type prion pour stopper la progression de la maladie, notamment avec des immunothérapies. Merci Alexandra et merci à vous Vincent Bontemps. Je recommande la lecture de votre livre intitulé « Au nom de l'innovation » qui vient de paraître aux éditions Les Belles Lettres. Au revoir. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Anthony Thomasson et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Le langage est une machinerie complexe. Le neurologue Laurent Cohen nous embarque dans une nouvelle saison de la collection de podcasts originaux « Votre cerveau ».